La vie est une râleuse, elle aime pas la justice. À l'affût de la fameuse, à l'affût d'un fût de pisse. L'ambiance est foireuse, Simon s'en a plus de 10. J'aimais les prods joyeuses pour en faire des trucs tristes. J'ai donné pas reçu, pas de pompe à tiquer. Trop bon, trop con, voilà sport pratiqué. Appliqué, je me concentre, je pars de l'enfer à la base. Réussir, je vise au centre, personne peut le faire à ma place. J'ai badé pour des gens, me suis écrasé pour que dalle. J'ai qu'un sourire pour l'échange contre toute la haine que t'as. Je suis parti de ceux qui boivent, ceux qui vont bien mes plonges. Pas moi et tu le reçois, j'ai déjà un bout de pain pour éponge. Dans nos têtes, c'est la merde, on fait genre qu'on sait pas. Chacun croit à sa perte, c'est ça qui nous sépare. Si tu te prends pour Popeye, c'est que tu caches tes hantises. La guitare est trop belle, fallait que je la rende triste. C'est devenu lamentable, je voulais finir la paix, moi pas finir la membade. J'aime péter la membrane, rien à foutre ton décolleté. J'ai semé, j'ai récolté, pour le futur moi j'attends pas. J'ai gardé la tête haute, pas l'écoute à fierté. Tu m'écoutes en pleine faute, je y'a rien à fêter. Elles aiment trop faire les poutines, dans ma tête c'est Morgan. Ce soir je suis en roue libre, le capitaine c'est Morgan. Et pas ça y'a pas de chance, on mérite ce qu'on mérite. J'oublie tout quand je chante, ça fait mal quand j'atterris. Je suis seul et c'est tant mieux, quand je vois le pont que j'engrange. J'ai de la peine pour ceux qui se rassurent de branche en branche. J'ai besoin d'espace, de bouger, de me barrer loin. Ici le passé m'écrase, une paire de menottes à mes mains. Si tu te prends pour Popeye, c'est que tu caches tes hantises. La guitare est trop belle, fallait que je la rende triste.